La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Amos Oz nous a quittés le 28 décembre dernier. Au terme d'une vie dont les coordonnées de base se trouvent au cœur de l'enfance, c'est en tout cas la thèse de Marc Laurent qui nous a raconté hier l'importance du rapport de l'écrivain avec son père et sa mère. Sa mère d'abord qui s'est donné la mort alors qu'il n'avait que 12 ans, son père ensuite, intellectuel maladroit, corseté, qui a constitué un contre-modèle pour l'écrivain lequel rêvait d'être grand parce que son père était petit. Nous explorons donc jusqu'à jeudi l'univers d'Amos Klossner, devenu Amos Oz à l'âge de 15 ans. Demain, nous serons en compagnie d'abord pour ce faire de l'écrivain israélien Avraham Yehoshua, de passage à Paris à l'occasion de l'apparition de son nouveau livre « Le tunnel chez Grasset ». Il nous parlera de celui qui a été son ami durant des décennies. Et puis en seconde partie, Gilles Rosier évoquera notamment le rapport de Oz à sa langue maternelle, l'hébreu. Enfin jeudi, c'est avec la traductrice française de Oz que je m'entretiendrai d'abord, Sylvie Cohen, avant d'évoquer le roman « Seule la mer ». Ce sera cette fois en compagnie d'Olivier Barbaran. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer donc les grands thèmes de sa littérature ainsi que son rapport charnel avec sa patrie Israël, nous sommes en compagnie de deux invités. D'abord, Michel Tauber, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en littérature hébraïque moderne et contemporaine à l'Université Paris 3. On vous doit un essai sur les nouvelles d'Aaron Appelfeld, publié en 2015 aux éditions Le Bord de l'eau. À vos côtés, Jean Materne, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain. Votre dernier roman, Le Bleu du Lac, apparu en 2018 aux éditions Sabine Vespizer. Il a été couronné par le prix Virilio. Vous avez été longtemps responsable des acquisitions pour la collection du monde entier, c'était chez Gallimard, et vous êtes désormais à la tête de la littérature étrangère chez Grasset. Mais c'est chez Gallimard qu'on trouve aujourd'hui beaucoup de romans d'Amos Oz, puisque vous aviez fait venir chez Gallimard donc cet écrivain après son passage chez Kalman Levy. Alors avec vous deux, on va essayer d'évoquer quelques pistes pour comprendre sa littérature. Peut-être faut-il commencer par retourner au berceau de la vie et de la littérature d'Amos Oz, c'est-à-dire à Jérusalem. Kerem Avraham, notre quartier, appartenait à Tchekhov. Bien plus tard, en lisant Tchekhov, traduit en hébreu, j'étais certain qu'il était l'un d'entre nous. L'oncle Vania était notre voisin du dessus. Le docteur Samoï Lenko se penchait sur moi pour me palper de ses larges et fortes mains quand j'avais une angine ou la diphtérie. Laïevski, avec sa migraine chronique, était le cousin germain de ma mère et nous allions écouter Trigorine le samedi matin au centre culturel. En fait, il y avait chez nous toutes sortes de Russes, dont beaucoup de Tolstoïens. Certains étaient même le portrait craché de Tolstoï. Un jour que j'étais tombée sur une vieille photo sépia de l'écrivain au dos d'un livre, j'étais sûre de l'avoir très souvent rencontré dans le quartier. Extrait d'une histoire d'amour et de ténèbres lue par Dominique Blanc. Alors la Jérusalem d'Amos Oz, c'est cette ville cosmopolite où partout semblent surgir des personnages de la littérature russe. Michel Tauber, quelle est l'influence de cette littérature sur cet écrivain ? Alors, je commencerai même en amont de la littérature russe. Vous avez parlé de l'importance de sa famille, et il est vrai que les grands-parents étaient tous russophones, et qu'on en trouve aussi des traces en russe dans le texte, dans une histoire d'amour et de ténèbres, et que bien que les parents du petit Amos lui parlaient exclusivement en hébreu, la langue russe a quand même... tout le temps de son enfance, était là présente à ses oreilles et était déjà pour lui une langue d'ambiance, si je puis dire. Donc, tout naturellement, lorsqu'il a entendu pour la première fois les noms de ces grands personnages de la littérature russe, Sans parler d'un personnage, d'un grand poète de langue hébraïque qui s'appelait rien moins que Tchernychovski, qui est vraiment un des deux poètes majeurs de cette génération, et qu'il a aussi soigné, dont il a un souvenir de toute petite enfance. C'est évident que cet univers russe a constitué pour lui vraiment les premières bornes de son attrait pour cette littérature. Maintenant, peut-être que Jean pourra développer... Jean Materne. Oui, Amos évoquait toujours avec beaucoup d'émotion le moment où il a pu lire pour la première fois Tchekhov en fait en traduction en hébreu. En fait, ça, c'était vraiment un moment important, je crois, dans sa... À vous-même, il en a parlé. Oui, il m'en a parlé. C'était un moment important. Il m'en a parlé à un moment où j'ai publié des nouvelles inédites en français de Tchekhov. Donc, il était fou de bonheur que je fasse ça, parce que vraiment, ça comptait pour lui. Ce monde miniature de Tchekhov où on trouve vraiment comme ça tous les archétypes de la littérature russe, pour lui, c'était vraiment un modèle, je crois, de dire justement dans la forme courte, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Amos a commencé sa carrière littéraire par un recueil de nouvelles. Donc il a un attachement à la forme courte et il trouvait justement que Tchekhov excellait dans cet art de capter en quelques pages seulement, parce que quelques nouvelles de Tchekhov sont très courtes, hein, c'est des capter comme ça l'essentiel, la quintessence des caractères humains qu'il voulait mettre en avant. Donc il avait gardé toute sa vie cette émotion de la découverte de la littérature russe après avoir béni, comme vous disiez justement, dans quelque chose qui était diffus, puisque les parents de Amos parlaient un nombre incroyable de langue, mais il refusait de lui en enseigner aucune. Hein, donc il a vraiment grandi exclusivement dans l'hébreu, mais dans une atmosphère très russe. Hein. Et le fait d'avoir accès, en fait, à, je sais pas, 15-16 ans, pour la première fois aux traductions de Tchekhov, c'était très important pour lui. Mais alors, où est-ce qu'on la voit, l'influence russe, dans la littérature de Ozon? Alors d'abord, dans cet amour de la forme courte. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui, quand il a commencé en littérature, s'est d'abord orienté vers la nouvelle, et vraiment c'était un choix pour lui. Alors, il faut que j'équilibre, parce qu'il y a d'un côté l'influence russe, mais il y a de l'autre côté, c'était un moment décisif dans la genèse de son œuvre, et à la découverte d'un écrivain américain, un peu oublié en France, qui est Sherwood Anderson, en fait, qui est aussi un maître de la forme courte. Hein. Et Amos, qui avait au fond de lui, alors qu'il venait de s'installer dans ce kibbutz Roulda, donc on va en parler plus tard, parce que là, on va parler de l'attachement à la terre d'Israël. Donc, ce déménagement à 15 ans, quand il a quitté Jérusalem et son père pour aller dans ce kibbutz, il a senti assez vite qu'il avait envie d'écrire. Sauf que dans un kibbutz, c'est très compliqué. On ne lui laissait pas le temps pour il fallait qu'il se cache dans les toilettes pour écrire. Mais il trouvait ça très normal, après tout, pourquoi pas, et ici ensuite, ou ailleurs. Et ensuite, il a fallu demander au conseil des anciens du kibbutz une demi-journée, puis une journée, en fait, pour écrire. Et à ce moment-là, il s'est interrogé sur, voilà, sur quel monde moi je peux écrire, parce que c'est des gens très ordinaires dans mon kibbutz, etc. Et quand il a à la fois lu Tchekhov, qui écrit sur des gens ordinaires, et puis Sherwood Anderson, qui parle de cette vie tout à fait banale, qui est Winesburg dans l'Ohio, qui donne le titre à ce recueil qui a tant marqué Amos Oz, il s'est dit, moi aussi finalement je peux écrire sur les gens qui sont autour de moi, si j'arrive à capter leur quintessence comme ça. Michel Tauber. Non, je voulais juste ajouter que les deux derniers recueils de nouvelles justement d'Amos Oz, qui ne sont pas des recueils de jeunesse, mais déjà de l'âge mûr, on va dire, maturité. Scène de la vie villageoise et le deuxième, Entre amis, merci. Vous complétez parfaitement. reprennent justement ce modèle de la nouvelle avec l'œil du médecin qui examine à la loupe les personnages. Exactement. Et là, on le sent très bien dans ces nouvelles-là du kibbutz. Mais alors, pour terminer sur les influences, vous avez expliqué à quel point le côté russe, c'est aussi le côté familial, mais la famille, elle a tellement bougé aussi que finalement, la littérature de Oz, elle est un petit peu placée sur les frontières, à la limite de beaucoup de pays. Il y a aussi quand même l'Europe qui était quand même cette espèce d'horizon qui était la grande Europe de la culture pour la famille d'Amos Oz. Ah bah ça c'est sûr, c'est évident, comme je vous le disais par écrit, que Amos Oz ne fait pas partie d'une famille de pionniers qui sont venus en Palestine pour se régénérer grâce au travail de la terre et devenir les nouveaux Hébreux, mais qu'il est vraiment complètement imprégné de cette grande culture européenne à travers, qui lui a été transmise à travers l'hébreu. Ses parents étaient vraiment des érudits, son père en particulier, mais sa mère qui avait quand même étudié à l'université de Prague, et que toute cette culture-là, nimbée d'un fort nationalisme, parce qu'il faut dire que ses parents venaient d'endroits où le nationalisme était déjà très exacerbé depuis la moitié du 19e siècle, on va pas refaire toute l'histoire, n'étaient pas des gens de gauche, n'étaient pas les pionniers socialistes kibbutznikim, justement, pas du tout. Son oncle, dont on sera certainement amené à reparler, le grand Josef Klausner, philologue, écrivain. Célèbre écrivain. A lui-même candidaté pour être le premier président de l'État d'Israël en face de Chaim Weizmann, qui lui faisait partie de l'autre clan. Donc tout cela, effectivement, il a eu ses influences russes et la famille a pas mal pérégriné, mais avec une seule idée en tête, j'y reviendrai tout à l'heure au sujet de la terre, une seule idée en tête, c'était quand même d'arriver dans cette Palestine. Donc c'est peut-être aussi ce qui explique qu'aujourd'hui Amos Oz est un écrivain culte en Israël, peut-être ailleurs dans le monde, en France aussi, parce qu'il a transcendé les clivages politiques aussi. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Je dirais plutôt que c'est une véritable conscience, Amos Oz, peut-être en premier lieu. Qui que ce soit en Israël, vous lui dites Amos Oz, les gens réagissent tout de suite, même s'ils n'ont jamais rien lu. Comment en général? Ils réagissent positivement s'ils sont de son côté au niveau politique, oui. Et puis un petit peu autrement, mais il est reconnu. Mais c'est un écrivain qui ne transcendait pas, il polarisait au contraire. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé de me trouver dans un taxi avec Amos Oz où il se fait engueuler par le chauffeur de taxi pour lui dire « mais t'as complètement tort, on peut pas faire comme ça avec les Palestiniens ». C'est-à-dire qu'il avait quand même ce statut en effet de conscience, mais les gens se permettaient de dire dans la rue « mais tu te trompes complètement sur cette question ». Oui, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans l'émission de demain, mais enfin de dire quand même au passage que Amos Oz était pour une solution à deux États. Pour le divorce entre Israéliens et Palestiniens, et que chacun puisse vivre dans son pays. On pourrait dire un mot aussi quand même sur le genre des récits d'Amos Oz. Donc il y a les essais, ça on en parlera aussi plutôt demain, mais il y a aussi des types de récits qui sont pas tous de la même veine. Il y a peut-être une différence importante entre Une histoire d'amour et de ténèbres, son autobiographie, et puis par exemple son petit livre Soudain dans la forêt profonde, qui relève davantage du conte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le style, le genre des livres d'Amos Oz, Jean Materne? Je pourrais vous dire surtout le ressenti d'Amos par rapport à son travail d'écrivain, qui était que c'était plus difficile à chaque nouveau livre. Et il disait que c'était le seul métier au monde où plus on avait d'expérience, plus c'était compliqué. Parce qu'Amos cherchait à se renouveler vraiment de livre en livre. Et quand on regarde l'œuvre, qui est quand même assez imposante, même en nombre de titres, d'Amos Oz, on se rend compte qu'il a vraiment cherché, avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de succès, à innover, à inventer autre chose, d'autres formes. Il y a des livres qui sont des romans épistolaires comme La Boîte Noire. Il y a des livres où on a trois voix comme Ne dis pas la nuit. Il y a la forme du conte dans Soudain dans la forêt profonde. Il y a presque la prose poétique dans Seul la mer. Il y a le récit autobiographique où, qui est à la limite, on va reparler du genre finalement littéraire de ce livre-là. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui, à chaque livre, a essayé d'inventer autre chose, de défricher d'autres territoires. Et vraiment, c'est quelque chose qui, à chaque fois qu'il se remettait face à la page blanche, il écrivait à la main, c'est quelque chose qu'il avait en tête, de vouloir faire quelque chose de différent par rapport au roman précédent. Donc je ne dirais pas qu'il y ait une forme romanesque propre à Amos Oz, une langue propre à Amos Oz. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup changé, évolué au fil de son écriture et qui a, encore une fois, essayé de creuser des territoires inconnus pour lui. Est-ce qu'on peut lire ses livres comme des paraboles? Est-ce qu'il y a, dans certains de ses livres, une doctrine, une morale ou un enseignement? Je crois que ça lui aurait déplu qu'on lit ses livres comme des paraboles ou comme des morales. Amos disait toujours qu'il écrivait avec un stylo bleu pour les essais et les articles qu'il écrivait pour le journal. Et là, on pouvait éventuellement trouver une morale ou des paraboles ou des messages politiques. Il avait le stylo noir pour la prose littéraire. Donc, il faisait une distinction très nette entre ces deux parties de son œuvre. Et justement, je voudrais souligner cette dimension littéraire vraiment. C'est que quand vraiment il était en train d'écrire une œuvre fictionnelle romanesque. Là, je crois qu'il faut mettre de côté ce message politique qu'on essaye de voir dans son œuvre à cause de son action politique et citoyenne par ailleurs, évidemment qui était très importante pour lui, mais je crois qu'il mettait vraiment de côté par ce changement de stylo symbolique au moment de l'écriture. En fait, en hébreu, on n'a pas de mot pour dire fiction. Il y a un terme universitaire qui sert aux universitaires, mais dans les bibliothèques ou dans les librairies en Israël, mes livres ils se trouvent non pas sous l'appellation fiction, mais histoire. En fait, c'est de la prose narrative. Voilà. C'est quelque chose de différent, c'est pas de la fiction. Je n'invente pas mes histoires. Je ne crée pas mes rêves. Les histoires me viennent exactement du même endroit que me viennent les rêves la nuit. Mais les rêves, c'est pas de la fiction. C'est une partie de la réalité. De plus, la réalité commence dans les rêves et parfois même se termine, se conclut dans les rêves. Nous rêvons la nuit sur ce que nous avons fait dans la journée et ce que nous faisons dans la journée est influencé par ce que nous avons rêvé la nuit. Donc toutes ces limites, toutes ces frontières entre fiction, non-fiction, réalité, rêve, ce ne sont pas des frontières fixes. טרם כל יצא נברא לעת נשא La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Michel Tauber, Amos Oz n'était pas un auteur de fiction à proprement parler, c'est en tout cas ce qu'il explique. Il mettait en forme de manière littéraire ce qui constituait sa vie. Autrement dit, il y avait de l'autobiographie dans chacun de ses textes. Je dirais comme chez tout écrivain. Pas plus pour lui que pour quelqu'un d'autre. Ce qu'on pourrait peut-être relever chez lui, en tout cas dans une très très large première partie de son œuvre, peut-être jusqu'à la troisième sphère, encore que même après ça continue, c'est toujours ce désir, conscient ou pas, chez les personnages, de changer de lieu, au point qu'un des romans s'intitule même Makom Acher, qu'on a traduit en français par ailleurs peut-être, mais qui signifie tout simplement en hébreu un autre lieu, ailleurs. Et ça se passe au kibbutz, mais tous les personnages aspirent à autre chose. D'ailleurs, un des personnages féminins est déjà parti du kibbutz, a quitté l'idéal pour aller vivre en Allemagne. Le chauffeur routier, qui est un personnage qui s'exprime à coups de versets bibliques, prend son camion tous les matins et passe la journée à l'extérieur. Bon, un non seul la mère aussi, fils part au Tibet ou en Inde. Et là, c'est autobiographique, parce que même si Amos Oz n'est pas parti, du moins je ne crois pas, au Tibet durant sa jeunesse, il a quand même quitté sa famille pour partir au kibbutz. Ah oui, enfin, donc c'est vraiment son père. Parce que, voilà. Et son père. Son père, enfin sa famille, certes, mais disons que sa mère, voilà. Oui, n'était plus là. Donc le thème du départ, le thème de la rupture que vous soulignez, il est là présent. Rupture et chercher un autre lieu, hein, où qu'il soit. Alors ça peut être un lieu effectivement imaginaire, un lieu fantasmé. Un ailleurs, quoi. Jean Materne. Amos répondait toujours à cette question de l'autobiographie, que tout est autobiographique parce que quand on parle de soi et on part de soi pour démarrer finalement l'écriture d'un projet romanesque. C'était toujours sa réponse. Enfin, il y a des écrivains qui vous diront ne cherchez pas l'autobiographie. Exactement. Amos ne répondait pas ça. Il disait au contraire tout est autobiographique dans mon œuvre. Mais à part peut-être la colline du mauvais conseil où on voit un peu le jeune Amos en fait chasser les Britanniques à coups de jets de pierre. On est sous le mandat britannique encore et ça rappelle vraiment des épisodes de son enfance à Jérusalem. À part ce livre-là, il y a très peu de livres où les événements peuvent être qualifiés, les événements décrits, hein, utilisés dans l'intrigue, peuvent être qualifiés d'autobiographiques. Hein. C'est pas du tout un écrivain de l'autofiction. Il y a bien sûr l'exception de Une histoire d'amour aux ténèbres, mais c'est plus l'histoire de sa famille que sa propre histoire. D'ailleurs, il remonte, si j'ose dire, l'arbre généalogique des parents et des grands-parents. Avec une précision incroyable, on a l'impression qu'il s'est documenté comme un historien presque. C'est d'ailleurs pour ça que même pour ce livre-là, il n'aimait pas tellement le terme autobiographie ou mémoire comme disent les Américains, parce qu'il disait je les ai inventés, ces grands-parents, en fait. Je n'y étais pas dans leur chambre à coucher, parce que c'est extrêmement concret, vif, ce récit, en fait, de la vie de ses parents et grands-parents. Donc, même pour ce livre-là, il revendiquait quand même la fiction, parce que cette notion en hébreu n'existe pas exactement de la même manière que chez nous. C'est un peu, la nuance est quand même là, mais le terme romanesque lui convenait bien. Quand on parle parlait de son écriture, il disait même ça, c'était de l'écriture romanesque pour moi. Mmh. Il y a des doubles quand même d'Amos oui. Oz et à différents âges. Il y a beaucoup d'adolescents qui ressemblent beaucoup à l'Amos Oz très jeune, par exemple dans Mon vélo et autres aventures, dans Une panthère dans la cave, dans Monsieur Lévy, La colline oui. du mauvais conseil. On a toujours ces adolescents qui lui ressemblent. C'est toujours différents aspects de sa personnalité en fait qu'il plaçait dans ces personnages qui sont un peu des doubles romanesques. Mais encore une fois, ce ne sont pas des personnages qui suivent le même tracé de vie que si Luc Amos a suivi. Donc il avait quand même ce souci constant d'injecter bien sûr les thématiques, les problématiques qui ont traversé sa propre vie, sa biographie, dans des vies imaginaires. Parce que je crois que ce qui est très important pour comprendre la manière de travailler, de concevoir la littérature d'Amos Oz, il faut se rappeler ce souci qu'il avait, qu'il a exprimé à maintes reprises, de se mettre à la place de l'autre. L'altérité était pour Amos une interrogation permanente, évidemment dans son engagement politique, hein, l'autre étant le Palestinien, mais dans son œuvre littéraire, on retrouve ce souci de l'autre, de l'altérité. Il avait vraiment cette expression de dire « je veux être à la place de l'autre, je peux être romancier uniquement si j'arrive à me mettre à la place de l'autre », et parfois il disait « dans les chaussures de l'autre », et c'était un souci constant pour lui. Et en même temps, l'altérité, ça n'est pas l'altruisme chez Amos Oz, parce qu'il considérait que l'altruisme, c'était parfois avoir une emprise sur l'altérité l'autre. L'altérité pour lui, c'était respecter l'autre, ne pas se confondre avec l'autre, en effet, ce qui pour lui pouvait être un mauvais usage de l'altruisme. Ne pas dire aux autres ce qu'il devait faire. Michel Tauber. Oui, ça me... Lorsque Jean parle justement de l'altérité, moi je pense immédiatement à ce magnifique roman « Mon Michael » où là, Amos endosse carrément un personnage au féminin et à la première personne dans tout le roman. Hein, le personnage de Hana c'est le moins compliqué à dire, qui dévide tout son mal-être et sa dépression, et plus encore, tout au long du roman, dans cette Jérusalem elle-même clivée, divisée... Coupée en deux, des années... Pardon, des années 50. Alors qu'est-ce qu'on peut dire justement sur les personnages féminins de Amos Oz? Parce qu'on sait que l'amour, c'est une grande thématique de sa littérature. On a l'impression qu'il cherchait à comprendre, à percer ce qui serait un mystère féminin. Jean Materne. C'est une excellente question. Je pense qu'Amos ne faisait en revanche pas de distinction entre ces personnages féminins et masculins dans la recherche du mystère. Il croyait que tous ces personnages cachaient un mystère. C'est plutôt cette démarche-là que je sens aussi dans son travail sur les personnages féminins. Et il s'en amusait beaucoup, en fait, de cette quête qu'il avait de des choses cachées chez ces personnages, des choses insoupçonnées. Et notamment dans le recueil de nouvelles que j'aime beaucoup, Entre amis, où là, à nouveau, il va plutôt vers des personnages qui, en apparence, ont une vie banale. C'est des gens qui vivent assez chichement dans le kibboutz. Entre nous, ça veut dire entre les gens du kibboutz. Exactement. Et là, il décrit à nouveau des secrets, des passions secrètes cachées. Et c'est ça qu'il aimait faire, en fait. Débusquer comme ça dans la vie des gens ordinaires, des choses pas tout à fait ordinaires. Mais oui, parce que dans le kibboutz, on a une société en miniature. Et on connaît les histoires de cœur de tout le monde. Tout le monde s'observe aussi d'une certaine façon. Lui, il aimait bien ça. Alors même, évidemment, le revers de la médaille, c'est que tout le monde l'observait aussi. Mais il aimait bien, en tant qu'écrivain, observer les autres. Oui, et puis le terme « entre amis » est aussi très ironique, parce que le mot hébreu « ami » signifie « ami », certes, être lié, mais c'est aussi le membre du kibboutz. Et c'est pas parce qu'on est les mêmes membres du kibboutz qu'on est forcément amis. Donc aussi quelque chose là de... Mais c'est vrai que pour lui, le regard comme ça qu'il avait sur l'autre, c'était, il disait qu'il ne s'ennuyait jamais dans une salle d'attente de médecin. Il faisait son travail d'écrivain. Il avait toujours quelque chose à regarder. Alors il y a aussi des portraits savoureux, légèrement amers aussi chez Oz, parmi ces personnages du kibboutz. Par exemple, le personnage de Tzi Provisor dans son livre « Entre amis » justement dont on parlait. À l'instant, on en écoute un extrait. Chez nous, au kibboutz Yikat, vivait un homme, Tzi Provisor. Un célibataire de petite taille, dans les 55 ans, à la paupière agitée de tiques. C'était un oiseau de mauvais augure, n'ayant à la bouche que tremblements de terre, catastrophes aériennes, habitants ensevelis sous les décombres d'immeubles en ruine, incendies, inondations. Il lisait le journal de bon matin et ne manquait pas un seul bulletin d'information, histoire de nous glacer le sang pendant le petit déjeuner, au réfectoire, avec 250 mineurs chinois piégés sous terre, ou 600 passagers victimes d'un naufrage d'un ferry à la suite d'une tempête dans la mer des Caraïbes. Il n'y avait pas un faire-part de décès qu'il ne connût par cœur, et il était le premier informé de la mort des célébrités. Un matin, il m'arrêta dans l'allée menant à l'infirmerie. « As-tu entendu parler d'un certain Vistevski, un écrivain ?»« Oui. Pourquoi ?»« Il nous a quittés. Tu m'en vois désolé. » Les romanciers meurent aussi. Un jour, il me harponna alors que j'étais de service au réfectoire. « Je viens d'apprendre le décès de ton grand-père. » « Oui. Et il y a 3 ans, c'était ton autre grand-père. » « Oui. Donc celui-ci était le dernier qui te restait. » Tzvi Provisor était le jardinier du kibboutz. Il travaillait en solo. Il se levait à 5h du matin pour déplacer les tourniquets, bêcher les plates-bandes, planter, élaguer, arroser, couper le gazon avec sa tondeuse qui nous cassait les oreilles, traiter les plantes contre les insectes, répandre des engrais chimiques et organiques. Nous le fuyions comme la peste. La compagnie des auteurs sur France Culture et cette lecture par Anna Sigalevitch d'un extrait du livre d'Amos Oz « Entre amis ». Alors Jean Materne, faut-il rire ou faut-il pleurer de ce personnage de Tzvi Provisor selon vous ? Les deux, je pense que c'était ce qu'Amos aimait, la tragicomédie, c'est ça qui l'amusait aussi dans la veine russe, évidemment. Je pense qu'il faut vraiment en rire et en pleurer à la fois. Et là aussi, je vois vraiment un talent qui est assez singulier et qui lui donnait aussi une place à part, je trouve, dans la littérature israélienne, d'avoir ce don-là pour la tragicomédie. Là, je pense qu'il y a vraiment une tonalité qui, quand même, malgré la diversité des thématiques abordées dans l'œuvre, qui lui est propre. Ça, c'est vraiment sa place à lui, je trouve, dans la littérature israélienne. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas confondre la littérature d'Amos Oz avec son engagement politique. On aura l'occasion d'en reparler aussi demain. Mais en même temps, c'est aussi Israël dont il est toujours question dans ses romans, malgré tout. Mais de quelle manière, Jean Materne ? Alors, c'est une question vraiment importante et compliquée, parce que ça nous ramène aussi à la question de l'autobiographie. Amos avait un rapport très ambivalent à l'Europe. Il considérait que ses parents, même s'ils sont venus en Palestine, enfin ses parents, ses grands-parents dans les années 30, il estimait qu'ils étaient des victimes de l'antisémitisme. C'est des grands Européens cultivés qui aimaient l'opéra, le théâtre et les grandes bibliothèques, et ils parlaient toutes les langues de l'Europe centrale. C'était les seuls Européens de l'époque, expliquait-il, alors que tout le monde était nationaliste. Exactement. Et Amos a toujours attribué le suicide de sa mère à son incapacité à s'adapter à cette vie en Orient, en Palestine, où elle ne trouvait ni théâtre, ni opéra, ni grande bibliothèque, ni une vraie ville, comme disait sa mère, avec des églises et une rivière au milieu et des ponts. C'était ça, une ville pour sa mère. Et ouais. Elle n'a jamais, finalement, réussi à s'adapter à cette ville en Palestine. Surtout à Jérusalem. Ouais. Et donc, ce rapport à l'Europe, à la culture européenne, il faut toujours le relire au filtre, à travers le filtre de cette responsabilité qu'Amos attribue à l'Europe, à l'antisémitisme en Europe, dans la mort de sa mère. Donc ça, c'est quelque chose de très important et qui explique aussi cet attachement quasi la charnelle à la terre d'Israël. Mmh. Et qui s'est traduit donc par ce départ dans le kibboutz Roulda, quand il a voulu quitter ce père avec lequel il ne s'entendait pas après le décès de sa mère. C'était à la fois une décision politique, c'était une décision intime, voilà, mise en tente, deuil par rapport à cette mère disparue quand il avait 12 ans et demi, avant même sa bar mitzvah. Être l'incarnation, en quelque sorte, de l'homme nouveau, travailler la terre. Il s'imaginait sur un tracteur, c'est ce qu'il me racontait. C'est que c'était ça son rêve, à 15 ans, de quitter ce monde des bibliothèques, des rats de bibliothèque qui étaient son père. C'était un rat de bibliothèque frustré et malheureux. C'était ça son rêve à ce moment-là. Et ça se traduit par ce rapport à la terre. Il a travaillé la terre pendant des années quand il était au kibboutz Roulda. Il faut pas l'oublier. Alors, comment sont-ils, justement, ces héros de Amos Oz, qui sont les héros du kibboutz? À quoi ressemblent-ils, Michel Tauber? Est-ce qu'ils sont différents, par exemple, des autres personnages? Est-ce qu'ils sont, justement, plus virils? Est-ce qu'ils accomplissent cette espèce d'idéal. Pas tous. Hein. On a, j'ai plus le titre en tête, dans une des premières nouvelles, ce père qui attend le retour de son fils, ce parachutiste, qui doit parader dans le ciel avec son parachute. Et le père est, donc, fait partie de cette génération des pionniers. Et la génération suivante, manque à l'appel. Et le père et le fils va effectivement faire cette parade, mais il va finir quasiment crucifié quand le parachute va se retrouver bloqué à un poteau électrique. Donc, on a les deux facettes, pas seulement deux, mais on a aussi cette ambivalence entre l'ancienne génération des pionniers et les fils qui ont du mal à reprendre le flambeau, voire qui n'y arrivent pas. Des pionniers ou aussi des pionnières? Est-ce que ce ne sont que les héros? Est-ce que les héroïnes ont aussi droit au chapitre dans les livres d'Amos Oz? Est-il parité chez Amos Oz? Peut-être pas. Les femmes sont quand même des figures importantes. Mmh. Il y a quelques histoires assez érotiques d'ailleurs dans les recueils de nouvelles qui traitent du kibboutz. Donc la comédie humaine du kibboutz traduit, je pense, un regard très tendre pour ce monde-là, mais un regard qui n'est pas dénué de un peu d'irrespect, parce que ça aussi caractérisait toujours le travail d'Amos, c'est-à-dire qu'il débusquait là à nouveau le côté parfois un peu ridicule, en fait, justement, de ses rêves d'homme nouveau, de grandeur, de force virile, etc. Il se moquait aussi gentiment du monde des kibboutz. Mais les femmes sont aussi celles qui construisent Israël au même titre que les pionniers eux-mêmes. Moi, je trouve que vraiment dans les nouvelles, notamment, les femmes ont vraiment la part belle aussi, hein, et ce n'est pas un monde viril qui nous décrit en fait, pas du tout. Non. Je tout à coup ça me fait vraiment penser. Et je pense que Amos a dû s'en nourrir aussi beaucoup à la littérature yiddish, la toute première littérature moderne des fin 19e siècle, où on dépeint, alors non pas le kibboutz évidemment, mais la bourgade juive, le shtetl, un certain auteur nommé Mendeley, le colporteur de livres, qui a exactement un regard vraiment analogue à celui de Oz, hein, dans cette peinture à la fois tendre et aimante, et en même temps très très très ironique. Ils se moquent d'eux parce qu'ils sont dans leur petit monde un petit peu étriqué, ils n'arrivent pas à s'en sortir, même au prix de tant et tant d'aventures. Donc là, il y aurait aussi une autre passerelle. Mais la tendresse et l'ironie, c'est peut-être quelque chose qu'on retrouve pour le coup de manière unifiée dans toute l'œuvre d'Amos Oz, et puis avec une petite pointe de tristesse aussi peut-être. C'est quelqu'un de très mélancolique. La fêlure, évidemment, de la mort de la mère. La blessure traverse toute l'œuvre. Donc cet humour et cette tendresse que moi j'aime particulièrement dans son œuvre, elle va toujours de pair avec une basse continue mélancolique et de tristesse très très profonde. C'était quelqu'un qui pouvait, même en le voyant parfois quand il se croyait pas observé, même sur son visage on pouvait lire sa tristesse. Allez, on vous retrouve dans quelques instants, Michel Taubert et Jean Materne, pour continuer à évoquer Amos Oz. Cette fois ce sera sous l'angle de son rapport charnel avec la terre d'Israël, mais tout de suite c'est le moment d'En compagnie des revues avec aujourd'hui Marianne Payot. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Marianne Payot, rédactrice en chef adjointe livre de l'Express. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors, pas de conseils de lecture aujourd'hui, mais des informations précieuses sur l'un des écrivains les plus appréciés du XXe siècle, Romain Gary. En effet, mais rappelons d'abord que le 16 mai 2019, ce 16 mai-là donc, les œuvres de Romain Gary entreront enfin dans la Pléiade, célèbre collection des éditions Gallimard. Intitulée Romans et récits, cette édition en deux volumes, réalisée sous la direction de Mireille Sacotte, réunit 14 textes de l'écrivain, né Roman Kachev ou Katseva en 1914 à Vilno, l'actuel Vilnius en Lituanie, et mort Romain Gary à Paris en 1980. Entre-temps, le diplomate et romancier français aura eu une vie tourmentée à souhait, construisant lui-même sa propre légende, multipliant les masques et les identités, de Chatham Bogart à Émile Ajar, et suscitant la passion de moult biographes et écrivains tels que Myriam Anisimov, Guillaume Semlen, Dominique Bonnat, Pierre Bayard, Fabrice Lara, pour ne citer que. Curieusement, beaucoup d'entre eux qu'on a déjà invités dans la compagnie des auteurs, vous pouvez réécouter en podcast cette émission sur Romain Gary. Curieusement, malgré cette abondante littérature, l'auteur de La promesse de l'aube restait mystérieux à bien des égards. Ainsi, ne savait-on pas exactement où il avait passé les premières années de sa vie. jusqu'à ce qu'Alexandre Vassine, 73 ans, ingénieur électronicien à la retraite, consacre deux années entières à fouiller dans les archives russes et lituaniennes. Des recherches au terme desquelles il révèle, documents inédits à l'appui, que l'auteur de La vie devant soi a vécu 6 ans à Moscou, en pleine révolution bolchevique. Ces résultats, l'ingénieur russe les a livrés en exclusivité à Alia Chelevnika, correspondante de l'Express à Moscou. Alors quel type de preuves apporte-t-il, Marianne ? Tout d'abord, petit rappel des faits. La zone d'ombre dans la ville de Romain et de sa mère, Mina Katsveva, s'écoule de 1915 à 1921. Or, les documents dénichés par Alexandre Vassine sont formels. Grâce au passeport de Mina, délivré en janvier 1913, nous apprenons que, fuyant les Allemands qui s'approchent de Vilno, elle débarque à Moscou le 11 septembre 1915. Elle va y rester jusqu'en septembre 21. Et si l'on compare son passeport à celui de la nounou polonaise de Romain, Anila, on se rend compte qu'elles ont toujours habité ensemble. Cela laisse supposer que le petit Romain a vécu durant toutes ces années avec ces deux femmes. D'autant que Gary n'a jamais évoqué une séparation avec sa mère dans sa jeunesse. D'ailleurs, comment imaginer que Mina aurait pu vivre pendant 6 ans sans son enfant chéri ? Alors justement, où vivait-il à Moscou ? À Moscou, la petite famille va déménager 6 fois, en commençant par les beaux quartiers du centre. La première adresse, en effet, se situe au 17 rue Petrovka, dans la célèbre et très luxueuse maison des Smirnov, du nom des propriétaires. Ils y restent jusqu'en mai 1916. Après octobre 17, tout change. Les bolcheviks nationalisent les logements privés. De 17 à 21, les Katseva vont vivre dans une seule pièce, au rez-de-chaussée de l'un de ces appartements communautaires. Dans La promesse de l'aube, Romain Gary évoque d'ailleurs, je cite, « un appartement que nous partagions avec 3 autres familles d'acteurs et une jeune bonne, Agnella, prenait soin de moi ». Alors est-ce que cet ingénieur russe qui a donc découvert tout cela dans des archives a fait d'autres découvertes ? Effectivement, il en a fait d'autres, notamment sur le passé d'actrice de Mina. Dans La promesse de l'aube, toujours, Gary écrit que sa mère fut comédienne à Moscou. Une affirmation contestée par ses biographes. Or, Alexandre Vassine a découvert aux archives de la littérature et de l'art la liste des candidats à la société théâtrale russe. Parmi eux, Mina Borisovskaya, ce nom de scène était suivi de son vrai nom. Le chercheur a également trouvé à la bibliothèque théâtrale des éditions de 1919 et de 1920 du journal Le Courrier du Théâtre, reproduisant des affiches de spectacles où son nom apparaît. Par exemple, Mina interprète une femme de chambre dans une place lucrative, la pièce d'Alexandre Ostrovski. Elle joue aussi dans Les Petits Bourgeois de Maxime Gorki ou encore dans La Mégère apprivoisée de Shakespeare. Puis, en septembre 21, comme on fait foi le passeport de Mina encore une fois, il rentre à Vilno. Ils vont y rester quelques années avant d'émigrer à Nice en 1928. Pour Romain Gary, c'est alors une autre vie qui commence. Merci beaucoup Marianne pour cet avant-goût du printemps Gary qui ne manquera pas d'avoir lieu, du moins on l'imagine, avec la sortie prochaine de La Pléiade. À bientôt. Vous écoutez La Compagnie des auteurs et vous êtes bien sur France Culture. Nous parlons cette semaine de l'écrivain israélien Amos Oz, disparu le 28 décembre dernier à l'âge de 79 ans. Nous sommes toujours avec Michel Taubert et Jean Materne, et en particulier peut-être avec vous Michel Taubert d'abord pour commencer cette seconde partie, parce que nous allons parler de ce que vous développez dans un article du livre collectif Amos Oz, écrivain d'une langue et d'une terre de point Israël. Cet article intitulé « Une terre entre réel et imaginaire, Eretz Israël ». Alors justement, il faut s'arrêter d'abord sur ce terme de Eretz qui pose un problème sémantique, comme vous l'expliquez dans votre article. Pour quelle raison ? Pour la simple raison que dans les tout premiers versets de la Genèse, Eretz, c'est la terre par opposition au ciel. Et puis ensuite, c'est la terre nourricière, Alma Mater. Et enfin, c'est Eretz Knaan, c'est-à-dire le pays de Canaan. C'est-à-dire que la frontière entre terre et pays est extrêmement floue, on va dire. Et que ce motif de Eretz Israël, donc cette terre d'Israël, ce pays d'Israël chez Oz, entrelace très souvent la plupart de toutes ces acceptions. Dans un de ces essais, je sais bien qu'on n'en parle pas aujourd'hui, intitulé « Dans la lumière d'un azur brûlant ». On peut en parler. Oui, justement, je l'évoque parce que ça me paraît rendre compte très précisément de ce lien charnel à la fois puissant et à la fois repoussant quelque part, puisque c'est un azur, certes, que cette terre, mais c'est un azur brûlant, c'est un azur douloureux, on va dire. C'est pas repoussant, mais en tout cas, il y a l'idée de douleur qui est souvent présente. Cette terre d'Israël représentant un refuge, certes, comme Jean Materne l'a dit tout à l'heure, pour sa famille en tout cas et pour tant d'autres, mais aussi lieu de nostalgie parce que on n'est jamais complètement coupé du lieu d'où l'on vient. Et alors on va trouver chez lui de très belles formules dans un roman qu'on n'a pas encore évoqué qui fait partie de ses romans fantastique, toucher l'eau, toucher le vent, justement, où un grand professeur de mathématiques polonais se retrouve au fin fond d'une geôle nazie et par le merveilleux va se retrouver propulsé dans cette terre d'Israël de 1949. Et là, il arrive enfin là-bas, sur cette terre d'Israël, dans le Sharon, où s'épanouit la rose et le lys dans la vallée, c'est-à-dire qu'on est dans le cantique des cantiques, on est vraiment sur la terre biblique. Puisqu'on est sur la question de la tradition biblique, je voudrais me tourner vers vous aussi, oui. Jean Materne, parce que pour vous, il faut le lire aussi comme ça, Amos Oz, avec cette tradition et ce grand texte en tête. D'ailleurs, c'est assez évident. Par exemple, le roman qui s'appelle Judas est une référence évidente. Dans Seule la mer, il y a aussi des références qui sont écrites en toutes lettres. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous semble important, justement, dans ce rapport à la Bible ? Oui, je suis très heureux que Michel ait évoqué ce lien, même à travers les mots et le sens comme ça des mots en hébreu et son lien à la connaissance de la Bible. C'était quelque chose de très important pour Amos. Et sa place là encore en Israël est très singulière parce qu'il n'était absolument pas un homme religieux. D'ailleurs, je peux vous signaler qu'il n'a pas eu d'enterrement religieux, ce qui est excessivement rare en Israël. Il n'a pas eu le rabbin à son enterrement. Il a voulu retourner pour être porté en terre au kibbutz Huldah, mais pas de rabbin, pas donc de rapport charnel à la religion, mais connaissance intime de la Bible. Donc la religion comme culture ? Exactement. Et il a fait un livre avec sa femme Fania au Salzberger, sa fille Fania, joli lapsus en effet, où il parle justement de l'importance pour lui des mots de la Bible qu'il en construit vraiment. Et c'est très beau d'ailleurs, je trouve ce rapport qui presque sensuel en fait, aux mots de la Bible et qu'il retravaille à la fois à travers vraiment la tradition talmudique, mais aussi des grands écrivains israéliens qui l'ont précédé comme Agnon, qui lui aussi puise évidemment toute sa richesse lexicale et thématique dans la Bible. Donc il y a un double filtre qui fait que chez Amos, il y a une sédimentation de ces sources bibliques qu'on retrouve aussi souvent comme clé d'interprétation de certains de ces personnages, je pense, et ce rapport à la terre à nouveau nous ramène à la Bible très clairement. Mais c'est une Bible qui est envisagée laïque. Comme une fiction. C'est un récit constitutif d'un peuple, un récit culturel, un récit de référence avant tout linguistique, lexicale aussi pour lui, c'était très important, la langue de la Bible, mais c'est l'invention en effet d'un monde qui passe par, il en parlait souvent, déjà toutes les formes romanesques, stylistiques de la Bible qu'invente la Bible, il y a toute forme de récit dans la Bible. Ça c'est quelque chose sur lequel Amos aimait insister et travailler, la richesse stylistique des récits bibliques. Et puis Michel Tauber, il y a peut-être un aspect subversif aussi, justement, à reprendre à son compte le texte biblique quand on est soi-même laïque. Oui, ça c'est une vieille tradition de la prose et de la poésie hébraïque profane qui naît, on va dire grosso modo, dans l'Espagne musulmane du Moyen-Âge. Donc vous voyez que ça nous ramène très très en arrière, hein, quand les poètes de langue hébraïque et arabe aussi se sont inspirés de la poésie arabe pour fabriquer à partir de l'hébreu exclusivement biblique de la poésie profane. Poésie profane, poésie à boire, poésie érotique, poésie d'éloge, etc. Et là, la Bible est convoquée. Mais la Bible est convoquée, mais on va la subvertir à souhait. C'est-à-dire qu'on va faire des citations qui vont parfois aller à l'encontre ou bien on les fait tourner dans le sens que l'on souhaite pour obtenir. Et Amos Oz le pratique énormément. Même je pensais à une nouvelle une nouvelle intitulée « Sur cette terre mauvaise », encore qui fait aussi partie de Terre du Chacal, où il reprend l'histoire de Jephté, donc cette fameuse histoire où on avait tiré un célèbre opéra à la fille de Jephté, ce fils de juge, où il y a peut-être trois lignes pour sur lui. Pour raconter l'histoire de Jephté en deux mots, ce chef de guerre, donc ce juge dans le livre des juges, fait le serment à Dieu de lui sacrifier la première créature qui viendra au devant de lui lors de son retour de la guerre. Et il se trouve très malencontreusement que c'est sa propre fille. Or, Amos Oz reprend l'histoire de Jephté, mais depuis les origines, c'est-à-dire à partir de son père, Galaad, des personnages qui sont évoqués peut-être en deux ou trois versets dans le livre biblique, et lui va tisser tout autour d'eux. En fait, cette nouvelle est le prétexte à une description du désert, et une description d'un désert qui refleurit. Donc, évidemment, on rentre de nouveau dans l'idéal. Voilà, un exemple entre tous. Mais on a très souvent comme cette utilisation du Cantique des Cantiques dans le roman que j'évoquais tout à l'heure, ou bien du prophète Jérémie en évoquant l'image d'un baume de Gilead. Mais dans Jérémie, ce baume ne guérira pas, alors que là, justement, le personnage est justement guéri du fait même d'être sur la terre d'Israël qui lui insuffle des forces, comme en qui touche en terre reprenait de la force. Et la gauche laïque lui a reproché parfois en fait ce rapport quand même très étroit à la Bible en fait. Beaucoup de gens de la gauche israélienne ne comprenaient pas ce besoin de retourner toujours au texte biblique. Il le fait dans beaucoup beaucoup de livres. Hein, dans ce Lamer, il cite en permanence la Bible, même les Évangiles. Et pour finir, son dernier grand roman, c'est quand même Judas, où là il s'est intéressé. Alors là, c'était double trahison. Double trahison, exactement. Voilà. D'ailleurs, le thème de la trahison est un thème aussi chez Amos Oz, et c'est le sujet justement de Judas. Il est toujours le traître de l'évangile quelqu'un, selon parce que Judas. Précisément, il est un petit peu entre les deux. Il est un peu entre tout le monde. Je voulais souligner ça aussi pour dire son courage en fait, c'est-à-dire qu'il pouvait être contesté évidemment par la droite parce qu'il était trop à gauche pour une partie de la droite israélienne, mais il était parfois aussi trop mystique pour la gauche laïque israélienne, mais il n'avait jamais peur en fait d'aller là où on l'attendait pas. Et ça c'est quelque chose aussi que je trouve qui caractérise son parcours. Alors j'aurais qu'on revienne quand même sur cette question du rapport à la terre d'Israël et de ce rapport charnel. Vous avez parlé des déserts, Michel Tauber, c'est vrai que c'est un élément récurrent. Qu'est-ce que ça évoque pour lui, la géographie du désert, dans son rapport à la terre d'Israël? La géographie du désert ou la géographie de la terre d'Israël dans son ensemble, qui est composée, comme chacun sait, de déserts et de terres verdoyantes, je pense que c'est quelque chose qu'il avait tété à la mamelle, et des récits familiaux justement dont on trouve de si bels exemples. Je peux pas m'empêcher d'en donner quelques petits fragments dans Histoire d'amour et de ténèbres, où sa tante Sonia lui raconte comment eux-mêmes, enfants, dans leurs écoles en Ukraine, les écoles du réseau Tarbout Culture, école tout en hébreu, déjà donc on est dans les années 20, où les enseignants enseignaient la Bible comme s'ils s'étaient trouvés en personne sur les lieux bibliques, dans le temple des Philistins à Gaza, etc. Une fois par semaine, le professeur les emmène en excursion en Israël, en Galilée, dans les villages de Judée. Il nous apporte des cartes, des photos, et à la fin de ce cours, les élèves se sentent aussi fatigués que s'ils avaient vraiment accompli cette excursion eux-mêmes. Et ajoute la tante, voilà comment je suis arrivée en Israël bien avant d'y venir réellement. Donc tout cela apporte déjà pas mal d'eau au moulin d'Amos Oz, sans compter évidemment des passages, encore une fois, dans Toucher l'eau, toucher le vent, avec cette communion charnelle fusionnelle de la fin du roman, je ne sais pas si vous vous rappelez, Jean Materne, enfin, j'ai le passage ici, où la terre va s'ouvrir à la suite de l'invasion syrienne, puisqu'on est le 5 juin 1967, et les deux personnages, dont Stefa, qui a été agent secret en Union soviétique pendant la guerre, et son mari, le mathématicien Elisha Pomerant, se retrouvent sur cette terre d'Israël, et une petite crevasse commence à se creuser au pied de l'homme et de sa femme, comme les fissures qui s'ouvrent, un sillon tortueux, étroit, sec, puis la musique. Désormais, il n'était plus sec, c'était une fente, chaude, longue, humide. L'obscurité couvrait la terre et les hommes, avec des spasmes suintants, l'humidité des lèvres tiède doucement, comme les lèvres d'une vierge les recueillit. La fente vibra encore un instant, se calma, se referma sur eux, dans un silence d'une douceur incroyable, un baiser muet de solitude. Je veux dire, si ça, c'est pas une communion charnelle avec la terre d'Israël. Ça l'est certainement. Il y a la terre d'Israël et puis il y a aussi les villes d'Israël et en particulier le rapport entre Jérusalem et Tel Aviv. là-bas, par-delà les montagnes obscures, il y avait aussi Tel Aviv, la ville bouillonnante d'où nous parvenaient les journaux, des échos de théâtre, d'opéra, de danse, de cabaret et d'art moderne, les partis politiques, le brouhaha de discussions passionnées et de vagues commérages. Il y avait aussi de grands sportifs à Tel Aviv. Et la mer, peuplée de juifs bronzés qui savaient nager. Qui savait nager à Jérusalem ? Qui avait jamais entendu parler de juifs sachant nager ? Ils n'avaient pas les mêmes gènes. C'étaient des mutants, tel le miracle de la métamorphose de la chenille en papillon. Le mot « Tel Aviv » exerçait une sorte de magie inexplicable. Il me suffisait de le prononcer pour imaginer un grand costaud bronzé en débardeur bleu, un poète ouvrier révolutionnaire, un garçon intrépide, un « Evreman », comme on l'appelait, une casquette négligemment posée sur ses boucles, fumant des cigarettes matossian, à l'aise dans le monde. Toute la journée, il travaillait dur à paver les routes ou à répandre du gravillon. Le soir, il jouait du violon. La nuit, il faisait danser les filles ou leur chantait des mélodies tristes au milieu des dunes, au clair de lune. Et à l'aube, il allait chercher un pistolet ou un stène dans la cache et se glissait dans le noir pour défendre les champs et les maisons. C'est d'une histoire d'amour et de ténèbres lue par Manuel Weber. Tel Aviv, Jean Materne, c'est l'Israël viril et heureuse, presque inaccessible à Amos Oz. Pour le petit garçon qu'il était à Jérusalem, très certainement, c'est cette vision-là en fait qu'il donne dans ce passage. Ensuite, c'était plutôt un homme, non pas des grandes villes, hein. Il a terminé sa vie à Tel Aviv pour être proche de ses enfants et petits-enfants, mais les deux endroits qui ont vraiment marqué en dehors de Jérusalem où il a grandi, c'était le kibbutz Roulda, on l'a déjà dit, et Arad. Et là aussi, il avait ce rapport charnel, et moi je peux vous raconter parce que je l'ai fait avec lui, tous les matins, à 4h30, 5h, il partait marcher dans le désert. Donc il y avait là vraiment quelque chose de très concret dans ce rapport à la terre d'Israël, il en avait besoin. C'était une nécessité pour lui. C'est un homme qui avait un grave accident de voiture, et il avait deux genoux artificiels, donc il avait du mal à marcher, mais il tenait à faire ses promenades tous les matins pour être en contact avec cette terre d'Israël au bord du désert. C'était très impressionnant. Michel Tauber, Tel Aviv, la ville des hommes forts, Jérusalem, la ville en négatif, la ville triste, la ville d'une enfance qui ne passe pas vraiment. On peut faire cette distinction-là aussi. Peut-être, oui. Bon, ça pourrait sembler peut-être un peu manichéen de prime abord. Dans son esprit, mais dans disons. Son esprit. Et puis, c'est vrai, quand vous avez évoqué tout à l'heure l'autofiction par rapport à une histoire d'amour et de ténèbres, et là, on pourra peut-être en reparler si on a le temps. Mais c'est vrai que Jérusalem apparaît quand même souvent comme une ville non seulement triste, mais même une ville effrayante, hein, une ville menaçante. Alors, je reviens encore à Mont-Michaël, où Jérusalem est quand même omniprésente de par ce clivage, hein, cette brisure intérieure, qui en plus est symbolisée par le personnage, un double personnage, des jumeaux arabes avec qui l'héroïne était amie avant 48, et puis l'indépendance arrivée, ils incarnent vraiment cette cassure, et la ville prend des aspects terribles. Enfin, il y a vraiment des descriptions absolument épouvantables de Jérusalem, et au point que Jérusalem devient assimilée même à la Russie, à laquelle Hannah revient souvent, et dans ses rêves, justement on parlait de rêves tout à l'heure, hein, qui alimentent l'écriture de Oz, les steppes russes et les loups aux yeux gris sont présents en plein milieu de Jérusalem. En même temps, et c'est là, je crois, on voit qu'Amos était aussi un écrivain de la complexité et pas du noir et blanc, dans Judas par exemple, il parle de la beauté de la pierre de Jérusalem, la lumière dorée sur la pierre de Jérusalem, qui là va de pair avec cet éveil à la sensualité du héros, en fait, qui est éveillé par cette logeuse qui est plus âgée que lui à la sensualité. Et là, c'est vraiment dans cet écrin de la pierre dorée de Jérusalem que ça se passe. Donc là, il parle de la beauté de la ville. Donc il était capable de voir aussi la complexité, la subtilité d'une ville comme Jérusalem. Merci beaucoup à tous les deux. Michèle Sauber, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences HDR en langue et littérature hébraïque moderne et contemporaine à l'Université Paris 3, également spécialiste d'Aaron Appelfeld, dont vous doit, sur Amos Oz, un article dans le collectif Amos Oz, écrivain d'une langue et d'une terre de point Israël. Jean Materne, merci beaucoup. Vous êtes responsable du domaine étranger chez Grasset après l'avoir été chez Gallimard où vous avez fait venir Amos Oz. Vous êtes par ailleurs écrivain, on vous doit, en 2018, un roman intitulé Le bleu du lac, c'est chez Sabine Vespizer. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Laurence Genepin, Laurence Millet, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Garance Mazelier et Audrey Guélil. Demain, suite de notre semaine Amos Oz, Avraham Yehoshua, écrivain israélien et ami de longue date d'Oz, nous parlera de lui. Puis c'est Gilles Rosier, l'ancien directeur de la Maison de la Culture Yiddish, qui viendra nous parler du rapport de Oz à sa langue maternelle, notamment, mais tout de suite, c'est le retour de la poésie avec Jacques Bonafé. Dans une pièce, un homme croit entendre un bruit. Il dit « Vous entendez ?» L'autre homme dit « Non, je n'entends rien. » La conclusion sera « Le deuxième homme a une oreille moins apte que le premier. » Elle sera difficilement « Le premier homme hallucine. » Les hommes se plaisent à dire « J'entends ceci, j'entends cela. » Ils apprécient l'aptitude des oreilles. Ça, c'est à la page 22, dans le passage « Symétries imaginaires ». Juste avant, il était dit « Dans un lieu de silence, nos bruits intérieurs nous noient. Ils s'étendent comme les racines d'une plante transplantée dans un pot plus ample. Un lieu de silence est une invitation aux bruits intérieurs. » Page 19. L'œuf tombe, se casse. La vie qui se formait ne pourra rien contre ce fait. La mort s'est infiltrée dans son système. L'accident est l'infiltration soudaine de la mort dans un système. La matière se fait lourde, plus lourde que les mains invisibles qui la guident, et glisse désintégrée. La vie, comme le silence, dure. La mort, comme un bruit, fait irruption. Et si la destruction et la construction devenaient symétriques? Et la décomposition ne dure-t-elle pas comme la vie? Elle est l'absorption de la mort par la vie. Elle est vie qui mange la mort, silence qui mange les échos du bruit. La paire construction-destruction présente cette même asymétrie, des siècles requis pour construire un monument, un instant pour l'abolir, des milliers de mains, des milliers d'humains pour élever la cathédrale, une bombe pour l'aplatir. Voilà, laissons au poète sa subtile volatilité, son immense responsabilité, son activité. Flora Bonfanti, c'est à vous. La construction a la même fragilité que le silence, la même exigence. Exigence de durée? Exigence, non, car elle est par nature durée. Comme le silence, la construction se perpétue. La destruction, comme le bruit, fait irruption. On pourrait s'arrêter là. On continue? Bon, alors, c'est pour vous annoncer, pour demain, le façonneur et le voleur. La civilisation ne commence pas quand l'homme, ayant taillé le premier silex, l'utilise. Elle commence quand l'homme d'à côté saisit ce silex et le fait sien. Quand le feu de l'homme réchauffe, l'homme sans feu. Dans cette saisie sont en germe téléphone et revolver. Dans cette saisie germe aussi le langage. Saisir le silex d'un autre et le faire sien, geste qui sous-tend le langage. Cette saisie inaugure la grande déviation. Le premier homme façonne, l'homme d'à côté vole. Façonneur et voleur forment à proportion inégale notre espèce. On peut être homme sans façonner, on ne peut pas être homme sans voler. Merci Jacques Bonafé pour ces lectures de textes aujourd'hui de Flora Bonfanti.